Sonnet d'Auguste Angelier. Où es-tu? Disait-elle, errant sur le rivage, où des saules trempaient les feuillages tremblants, et des larmes d'argent coulaient dans ses doigts blancs. Quand il s'arrêtait, les mains sur son visage, et lui, errant aussi sur un sable sauvage, où des joncs exhalaient de longs soupirs dolents, sous la mort du soleil, au bord des flots sanglants, s'écriait « Où es-tu ?» tordant ses mains de rage. Les échos qui portaient leurs appels douloureux se rencontraient en l'air et les mêlaient entre eux en une plainte unique à la fois grave et tendre. Mais eux, que séparait un seul pli de terrain, plus désespérément se cherchèrent en vain, sans jamais s'entrevoir et sans jamais s'entendre.